إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله مes très chers frères. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée, la soirée du dimanche 27 février 2022, correspondant au 26 Rajab de l'année 1443 de l'Hégire. Nous nous retrouvons dans cette soirée, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de faire la traduction d'une allocution qui a été donnée par le Cheikh Dr. Abdullah bin Salfiq al-Zafiri, qu'Allah le préserve, ainsi que tous les chouyouch de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et tous nos savants. Cette allocution qui a été intitulée Al-Istiqama, la droiture, ça a été donné pour nos frères du Markaz Al-Furqan. Et avant de commencer la traduction, je tiens à remercier mes frères qui travaillent pour le bien de la communauté dans ce centre béni depuis sa création par notre frère Mehdi Abu Abdurrahman, ainsi que tous ceux qui l'ont aidé dans ce projet. Et je demande à Allah de multiplier ce genre de projet partout dans le but et la propagation de la vérité. Donc avant de commencer la traduction, je tiens à les remercier énormément pour ceux qui travaillent dans ce centre encore aujourd'hui et qui continuent à faire ces efforts-là dans la propagation de la science bénéfique et profitable et de lier les muslimines aux hommes de science et prêcheurs de confiance. Qu'Allah les récompense en bien. Donc, Cheikh a commencé cette allocution qui a été résumée. Et avant de commencer aussi, avant d'oublier, afin que je ne m'attribue pas quelque chose que je n'ai pas fait, mon effort dans cette traduction se limite à traduire, à tafrir, la retranscription qui a été faite par nos frères, qu'Allah les récompense, dans Markaz al-Furqan. C'est pas moi qui a fait ce travail. Ils m'ont soumis ce tafrir et je vais me charger dans cette soirée de sa simple traduction. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à mentionner. Ensuite, Cheikh, qu'Allah le préserve, a commencé par adresser les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et par faire les éloges à notre noble prophète et messager Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à tous ses nobles compagnons. Ensuite, après salam aux frères qui l'écoutaient sur place dans le centre de l'Furqan et ceux qui écoutaient à travers ses réseaux, il a exprimé son plaisir et sa joie de rencontrer ses frères et de se faire le rappel au sujet de notre religion. Le livre d'Allah et la sunna, la tradition de son noble prophète, alayhi salatu wassalam, car ça c'est la meilleure chose au sujet de laquelle on puisse se réunir, faire le rappel avec les versets du livre d'Allah et la tradition de son messager, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a expliqué le sujet de son allocution qui est la droiture, al-istiqama. Et ce qui est voulu par l'istiqama, c'est l'attachement à la religion d'Allah, que ce soit dans la croyance, le dogme et l'adoration et le comportement et l'éthique. Donc ce qui est voulu par l'istiqama, c'est l'attachement et le cramponnement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa globalité. Notamment ces points que Cheikh a mentionnés, qui sont l'aqida et dans le domaine des adorations et aussi dans le domaine du comportement et de la bonne éthique et la bonne morale. Et l'istiqama, il a poursuivi en disant que l'istiqama aussi, c'est le cramponnement au livre d'Allah et la sunna, le cramponnement à la religion de l'islam. Le livre d'Allah et la sunna, la tradition et la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam, dans notre, extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire dans notre apparence et dans notre intérieur. C'est ça la signification de l'istiqama. S'attacher à la religion d'Allah dans sa globalité, en public et en secret, dans notre apparence et dans notre cœur, et de s'y conformer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans sa religion, c'est-à-dire il nous a adressé un ordre religieux. Dans beaucoup de versets du Coran, et aussi le prophète alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de hadiths de sa tradition, il nous a ordonné la droiture, qui est l'attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la guider à sa religion. Et avant tout, il faut savoir que cette droiture, elle ne peut être réalisée pour le serviteur qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est celui qui guide qui il veut, il égare qui il veut. C'est pour ça qu'il est demandé au serviteur de faire les causes légiférées, pour être dans la droiture. Et sans aucun doute, ceci ne peut arriver au serviteur qu'avec la permission et la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première des choses très importantes. Je le répète différemment après avoir traduit ce que Cheikh, qu'Allah le préserve, a dit, pour son importance. Ça, c'est la première des choses à savoir. C'est que tu ne peux être dans l'istiqama et dans la conformité à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui te sauvera auprès de lui qu'avec sa permission et son aide et son soutien. Donc si jamais, c'est quoi le fruit de savoir cette aqida et d'avoir la certitude sur ce point? Si jamais tu es dans la droiture, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et non pas par ton intelligence, par tes efforts, par ton attachement à la demande de la science, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Cheikh, qu'Allah le préserve, va aborder la deuxième partie. Après cette première partie, il va aborder la deuxième partie qui concerne les causes légiférées qu'on a à notre disposition afin d'être dans la droiture. Et il a commencé par la première de ces causes-là. La première et une des plus importantes causes, c'est, et Anil Sheikh, il a cité dans cette allocution, il a cité 10 causes. Il a cité 10 causes, il ne les a pas énumérées, lakin, je vous le dis pour savoir, à chaque fois qu'on va parler d'une cause, yani l'ordre est ce qui va être dit et ce qui va rester. Donc la première de ces causes pour être dans la droiture, c'est tout d'abord la demande de science, la science de la religion, la science légiférée. Allah nous a ordonné la demande de science dans beaucoup de textes et nous a incité à demander la science, car la demande de science est une cause de guider. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, il a dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en vérité excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. Et demande pardon pour ton péché. Allah nous a ordonné la science dans ce verset. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith authentique, il dit مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et la compréhension dans la religion, c'est d'apprendre les règles de l'islam, que ce soit dans le domaine de la croyance et du dogme, ou dans le domaine de l'adoration, et également dans le domaine du comportement et de la bonne morale, et aussi dans le domaine des transactions, des ventes et des achats, et des différentes transactions qui peuvent avoir lieu dans la vie du musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cheikh y poursuit en disant, Allah subhanahu wa ta'ala a incité son noble prophète d'être dans la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Allah a dit, dans le sens approximatif de ce verset, voilà ma voie, elle est toute droite, suivez-la donc, et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent, et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent, c'est-à-dire qui vous en éloignent de la voie droite, la voie sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, et à laquelle il lui a été ordonné de s'y attacher. Comme dans le verset, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Allah, il a ordonné au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, suis la droiture comme il t'a été ordonné. Comme il t'a été ordonné. Donc, une faïda entre parenthèses importante par rapport à ce verset. Quand je dis entre parenthèses, ça veut dire que Cheikh ne l'a pas mentionné. Mais c'est une faïda extrêmement importante. C'est pour ça que je me permets de la citer. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi sallam la droiture. Et il lui a ordonné la droiture comme il lui a été ordonné. C'est-à-dire que la droiture ne peut pas être conformément aux passions et aux envies et à ce qu'on aime et à ce qu'on n'aime pas. La droiture, c'est de se conformer à la révélation. Je ferme la parenthèse. Ensuite, Cheikh a cité un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens approximatif de ce verset, il dit en s'adressant à son noble prophète, il lui dit, dis, voici donc mon chemin. C'est comme si quelqu'un a dit, c'est quoi le chemin d'Allah? Il a dit, voici donc mon chemin, j'appelle à Allah en toute connaissance, avec science, muni de preuves certaines, moi et ceux qui me suivent. Gloire soit rendue à Allah, je ne suis pas du nombre des associateurs. je ne suis pas du nombre des associateurs. Donc ça, c'est la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Il appelle à Allah, mais avec science, et non pas avec ignorance. Et c'est la voix de ceux qui le suivent. Eux aussi, ils appellent à Allah, avec science. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vient à toi la certitude, c'est-à-dire la certitude de la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude, c'est-à-dire la certitude de la mort. Attache-toi à la religion d'Allah et à l'adoration d'Allah. Et attache-toi à la croyance authentique jusqu'à la mort. Et aussi, ensuite, Cheikh a cité le hadith dans lequel le prophète alayhi salallahu alayhi dit « Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa dhakara minhum shabun nasha'a fi ibadatillah » Le Nabi alayhi salallahu alayhi a cité dans ce hadith 7 qui seront sous l'ombre d'Allah. Donc ça, c'est une faïda que je vais citer entre parenthèses, pour son importance. L'ombre d'Allah, ce qui est voulu par l'ombre d'Allah dans ce hadith, comme ceci a été dit d'une manière explicite dans une autre riwaya du hadith, c'est l'ombre du trône d'Allah. Allah est une lumière. Et l'ombre qui est voulue ici, comme ceci est cité d'une manière explicite dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, c'est l'ombre du trône d'Allah. Donc cette catégorie de personnes, et non pas cette personne, cette catégorie de personnes seront ombrées par l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura aucune autre ombre que ceux qu'Allah a ombré ce jour-là. Et parmi ces 7 catégories, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et le mérite de l'adoration d'Allah est immense. Et le jeune a été cité dans ce hadith, comme les savants ont précisé, car c'est plus difficile pour le jeune de se conformer à l'adoration d'Allah et de s'éloigner des envies et des passions. C'est pour ça, si le jeune se tient et s'attache à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura ce mérite-là. Ensuite, Cheikh a dit, le fait de grandir et d'être éduqué et élevé dans la droiture, ça c'est le rôle tout d'abord des parents dans leur foyer. Dans leur maison, les parents ont certes un rôle important, un rôle fondamental dans la bonne orientation de leurs enfants. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a incité les parents d'ordonner à leurs enfants l'accomplissement de la salat à partir de l'âge de 7 ans. Car la salat, c'est parmi les choses les plus importantes qui aident à être dans la droiture et dans l'attachement à la religion. Ensuite, Cheikh est passé à la troisième cause. La première, c'est qu'Allah te facilite et te guide et t'aide. Et la deuxième, c'est la demande de science. La troisième, c'est le suivi des savants et de garder un lien fort avec les hommes de science, et de choisir les bons amis et la bonne compagnie, les amis qui sont sur le droit chemin, les amis qui suivent la sunna, comme ont dit les salafs. Ils ont dit, si tu vois le jeune à ses débuts, si tu le vois dans ses débuts avec les gens de Ahl Sunnah, Si tu le vois, dès qu'il commence dans l'attachement à la religion et le suivi de la religion, tu le vois, il commence avec les gens de Al-Sunnah, alors espère son bien. Naam, il y a de fortes chances qu'il soit une cause de bien pour lui-même et pour la communauté. Si il commence avec Al-Sunnah wal-Jama'a, car ils vont l'orienter vers la Sunnah et vers l'attachement à la religion avec la bonne compréhension. Et ensuite, ils ont dit, et si tu le vois à ses débuts avec les gens de l'innovation, désespère de lui. Et ça, c'est d'une manière générale. Car la personne, c'est selon les personnes avec lesquelles elle va commencer. Et ça, c'est d'une manière générale. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut guider qui il veut. Là, d'une manière générale, celui qui commence avec Al-Sunnah al-Jama'a, tu verras du bien de lui. Et celui qui commence avec les innovateurs et il emprunte leur voie, et en général, tu ne verras de lui que du mal. Wallah al-Musta'an. Et ensuite, Cheikh a dit, et l'homme est sur la même religion que son ami intime. L'homme est sur la même religion que son meilleur ami. Comme le prophète Aïssa a dit dans le hadith, et comme les salafs ont dit. Et entre parenthèses, même dans la langue française, ils disent la même chose, la même règle. Ils disent, ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Et les salafs, ils disaient, Inna hadha al-ilma dinun, fa'arifu. Il disait, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. C'est-à-dire, ne la prenez pas de n'importe qui. Car tu prends ta religion en réalité quand tu prends la science d'une personne. C'est ta religion que tu prends. Et si c'est un égaré, il va certainement t'égarer. Wallah al-musta'an. Et les salafs n'ont cessé de s'asseoir avec les hommes de science, avec les grands savants, car ceci est parmi les plus grandes causes d'être dans la droiture et dans la conformité à la religion d'Allah, et bien évidemment de se tenir aux gens de la Sunna. La quatrième cause, également l'adoration, et se rapprocher d'Allah avec ce qu'il nous a prescrit. Ensuite, avec les actes surrogatoires. Donc se rapprocher d'Allah avec les obligations en plus des actes surrogatoires. Car ceci est parmi les plus grandes causes pour bénéficier du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son aide. Comme Allah azzawajal a dit dans un hadith qui a été rapporté par l'imam muslim dans son authentique, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète a.s.w. a dit, Allah Azza wa Jal a dit. Donc ça, c'est un hadith qu'on appelle hadith al-Qudsi, ou le hadith al-Qudsi. C'est un hadith divin, c'est-à-dire c'est un hadith qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, les termes et le sens, contrairement au hadith prophétique où le sens est révélé au prophète a.s.w. et les termes sont les termes du prophète a.s.w. Ça, c'est la différence entre les deux. Donc ça, c'est un hadith Qudsi, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, « Man aada li waliyan, faqad aadantuhu bil harb. » Celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi avec quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire, la meilleure chose avec laquelle on se rapproche d'Allah, c'est tout d'abord les obligations. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son oui avec laquelle il entend, et sa vue avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il frappe, et son pied avec lequel il marche. Et si il me demande, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Fin de ce hadith. Donc ce hadith, il est important de bien le comprendre. Car les égarés, comme les soufis, ils peuvent se baser sur ce hadith avec une mauvaise compréhension pour légitimer leur croyance égarée. Comme la croyance de Wahdat al-Wujud, un des plus grands égarements qui a existé dans notre communauté. Mais la bonne compréhension, c'est que le serviteur, il ne cesse de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qui est légiféré, que ce soit les obligations tout d'abord, et aussi avec les actes surrogatoires, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et quand Allah il l'aime, il va l'assister dans toute chose. Il va l'aider dans toute chose, au point où tout ce qu'il voit, au point où il ne voit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il n'entend que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, que ses serviteurs entendent. Il va l'éloigner de la musique, il va l'éloigner des paroles haram, riba, namima. Il va l'éloigner de toutes les paroles haram. Il va l'éloigner de voir tout ce qui est haram. Il va le protéger. Ça deviendra son allié. Et il ne frappera que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'il soit frappé. Et il ne va que là où Allah aime voir son serviteur. Et de cette manière, tous ses actes et toutes ses paroles, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas, tout ce qu'il dit, quand il s'abstient de parler, tout ça sera en conformité avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ça, c'est la signification que donnent les savants de ce hadith. Je me suis permis de la rajouter car j'ai estimé que c'est très important. La cinquième cause que Cheikh, qu'Allah le préserve, a citée, parmi les causes de la conformité et de la droiture, la conformité à la religion d'Allah et la droiture sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de concrétiser la foi et l'unicité d'Allah. Car c'est parmi les plus grandes causes, l'unicité d'Allah avec ses trois catégories. Et ça, c'est la meilleure chose d'une manière absolue qu'on puisse acquérir. La sixième cause, c'est l'invocation. La sixième cause de la droiture, l'invocation. C'est pour ça, yani l'invocation, invoquer Allah, qui nous guide et qui nous aide à être dans la droiture. C'est pour ça, dans Sourate Al-Fatiha, on dit « Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. » C'est pour ça dans Sourate Al-Fatiha, nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Ça, c'est une invocation immense, extrêmement importante. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à tout muslim d'invoquer Allah avec cette invocation et il lui a promis l'exaucement. La septième cause, parmi les causes de la droiture, c'est de s'écarter. Yani que le muslim, d'une manière générale, doit s'écarter des gens du faux et des gens de l'innovation et des déviants et des pervers. Et aussi, le demandeur de science, d'une manière particulière, il doit s'écarter de ces gens-là. Car être avec les gens de l'égarement, c'est parmi les causes de la déviance. S'asseoir avec les gens du faux et les gens des ambiguïtés et ceux qui suivent les patients, c'est parmi les causes de l'égarement. Wal'iyadhu billah. Donc d'être avec les gens du bien et de s'éloigner des gens du mal d'une manière générale. Et sans aucun doute, les plus dangereux parmi eux, c'est les gens de l'innovation. Ce que Cheikh a nommé les gens des ambiguïtés. Ceux qui ont des ambiguïtés religieuses. Les patients, c'est les envies. Les gens qui sont dans le zina, dans l'alcool, dans la mixité. Et les gens des ambiguïtés qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui ont les ambiguïtés dans la religion. Les gens de l'innovation. La huitième cause que Cheikh Hafidhullah a citée, la lecture des biographies des prophètes et des compagnons et des hommes de science, car ceci fait partie des causes qui augmentent la volonté de la personne et qui le renforce dans sa droiture et dans son attachement à la religion. La neuvième cause, parmi ces causes que Cheikh Hafidhullah a cité, c'est la foi au jour dernier et de tout ce qui va arriver dans ce jour. Le jour dernier, entre parenthèses, c'est tout ce qui suit la mort de l'individu. C'est tout ce qui suit la mort de l'individu, comme a dit Cheikh l'Islam rahimahullah dans l'Aqid al-Wasitiyya. Donc, d'avoir la foi et d'apprendre les textes dans lesquels il y a les détails de ce qui va arriver dans ce jour dernier. La connaissance du paradis, tout ce qui est rapporté dans la description du paradis, le feu de l'enfer, et ainsi de suite. Car connaître cette science qui est en lien avec le jour dernier aide le croyant à s'attacher à sa religion et à être dans la droiture et le préserve avec la permission d'Allah de la déviance et de l'égarement. Nous demandons à Allah le raffermissement. La dixième cause que Cheikh Abdallah a citée et la dernière parmi les causes de la droiture, c'est de se rappeler la mort. Le musulman doit se rappeler la mort et se rappeler yani ce qui est en lien avec les morts, de se rappeler la mort et ceux qui sont décédés, de se rappeler aussi ceux qui sont décédés et de se rappeler aussi la fin de chacun d'entre nous et de craindre d'avoir une mauvaise fin, wal'iyadhu billah, et d'être attaché au maximum à augmenter sa foi et à se rapprocher d'Allah au maximum et à multiplier les invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. Il dit « Ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik ». Il invoque Allah notamment avec cette invocation du prophète alayhi salatu wassalam, qui était l'invocation qu'il disait le plus. Ô celui qui fait tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et de lire les biographies des savants, des grands savants, parmi Al-Sunnah wal-Jama'a. Ceci est important et parmi les causes aussi de la droiture. Donc, pour finir, Cheikh Hafidhullah a résumé ce qu'il a dit en deux causes principaux. Il a résumé en deux causes principales tout ce qu'il a dit, en deux parties, comme je l'ai mentionné au début. La première partie concerne التوفيق, توفيق الله وهداية الله. La première partie concerne la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide et son soutien. Donc ça, tu la demandes, le serviteur, il la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il invoque Allah de le guider, de le raffermir. Et la deuxième partie de ses causes, c'est de faire tout ce qui est légiféré afin d'être dans la droiture. Dans la plus importante de ses causes, c'est la demande de science et de s'asseoir avec les hommes de science parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir ainsi que vous, sur la vérité et sur la sunna, et de nous accorder la guidée et la droiture, c'est lui qui permet cela. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, et j'espère à très bientôt, inshallah. Qu'Allah vous protège et vous préserve tous, et qu'Allah nous raffermisse tous sur sa religion jusqu'à le rencontrer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.